Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Bonsoir et Romain. On est au complet ce soir. Oui. Les trois moustiquaires. Oui, c'est... c'est ça. Non, trois mousquetaires. Ah. Moustiquaire, c'est valable qu'en été. Yeah. Moustiquaire is like a screen. Yeah, it's window screen. Yeah, against bugs. I know you know, but yeah. I explained to the listeners. No, but I know you know. Well, but I was explaining too. I think the listeners know they're a state bird. Yes. The mosquito? I didn't think it was a state bird. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Well, tonight you have a wonderful attire, talking about musketeers. You have a beautiful cravat or tie. Thank you. Wow, what does it say? Born to be merry. Yeah. Nice. Is it Santa on a Harley? Yeah. Here we go. That's festive. Yeah. And Romain as a... Are you naughty or nice? You don't want to know. All right. Yeah. You got the Santa hat. I hope you were nice so you get your gifts. Oui. Bah, c'est bien. Bah, oui. Yeah. And if I'm not, well, you know, I know how to hide what I really do. Okay. So you're lying? No. I'm just not telling the truth. Yeah, exactly. All the time. Uh-huh. Yeah, that makes sense. All right, well, tonight is a special Christmas. So all night we're going to listen to Christmas songs. Some of the classics, some of the less classics, and some of the classics again. We're going to start with a song, though, from, what's his name? Guy Marchand. Ah, bah oui, Destiné. Destiné, because you asked for it. Well, yeah, Guy Marchand is a French actor, and he just passed away at the age of 86. And the song we're going to listen to was from the movie Les Soudoués en Vacances. Actually, it was in two movies. It's also in the in the Pernod. Yes, Pernod est une ordure. Yeah. That's what they and I think they wanted to use a different song, but they could not with rights issues. Mm-hmm. So and they could do that one because I think the Pernod est une ordure. That was also Vladimir Cosma. Okay. So 1984, and that song is. I mean, it was not supposed to be that popular. It was just, you know, to be part of the movie. And I think they sold like 250,000 records. I didn't know the song was like for the movie. Yeah. And so it's written, composed by Vladimir Cosma. It's a great song that people still, you know, remember and hum. And Destiné. Yeah. In the Père Noël est une ordure, it's funny. Oh, yeah. Yeah, because it comes at a time where, you know, they are dancing, they are slow dancing, and... We're going to watch it on Christmas Day, actually. Yeah, it's on Netflix France, so if you have a VPN, you can watch it, Le Père Noël est une ordure. It's a French classic comedy, very inappropriate, and we love it. There was a remake that was... I don't think it's even worth mentioning. Yet. Okay, well, that's not... I think it was with... what's his name? That will come back to me. Yeah, from the Pink Panther, the remake. Oh. Mm-mm. No. I see his face. Well, not Martin Short, the other one. Yeah. Yeah. Okay, well... Okay, well, whatever. I can't remember what it was called, though, in English. We're going to listen to that song, and we're going to come back, and after that, we'll listen to a Christmas song. Okay. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter. C'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, l'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tout nos désirs d'amour inespéré, imaginé, inavoué. Dans la vie, aucun jour n'est pareil. Attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard, destiné. Es-tu toi qui m'es destiné? Si jamais vous vous reconnaissez, je voudrais vous entendre crier, m'appeler. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. au son des cloches des églises, la distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Et quand tu seras sur ton beau nuage, d'abord sur notre maison, je n'ai pas été tous les jours très sage, je t'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, compare l'hiver, bois égaré, sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, joli sapin comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux, toi que Noël planta chez nous par les mains. Et voilà, We are back. And we actually did not announce the other two songs, and we need to... It was a surprise. Yes. Hey. I thought we were going to come back. But so we listened to Guy Marchand, Destiné, the first song. Which has nothing to do with Christmas. No, nothing. Just the fact that he passed away. Mm. So we're going to... And talking about passing away, I plan, I think, for January 2nd, To have a show, not to pass away. No. That I have not planned. to do a tribute to people who passed away this year. So, Guy Marchand will listen to different songs, but we'll listen to more songs of him, along with people who passed away this year. Mm-hmm. But after that, it was Michel Thor with Petit Papa Noël. Which is a classic. Papa Noel is Santa Claus, and you know, Tino Rossi is the classic. Right. But each year we use Tino Rossi, so I decided to have the same song with different artists because a lot of artists covered it. So. Of course. And then the second song was Mon Beau Sapin. Oh, Christmas tree. Yes. Or Tannenbaum, in German. Yeah, the way you say it. Mm-hmm. And yeah, it was Michel Thor also. So we're going to listen to more songs. So tonight is a special Christmas. We're going to listen to a lot of Christmas songs. We'll talk a little bit about the events at 9 o'clock, but there's not much going on because everybody's celebrating differently. And yeah, and we're here until 10 o'clock. Et ben voilà. All right. Just one thing I wanted to mention also is I manage this weekend to finish to put all the French influences on archive.org. So if you go to archive.org and you type French influences, you're going to run into some of the shows. And there's 133 as of right now. All right. Très bien. And just so people know, it's a web show that I do outside of Bonjour Minnesota, where typically the music is a little bit different, and not necessarily in French, but often by a French or Francophone artist. So, all right. Well, we're going to listen to three more songs, and we're going to listen to Star Academy with Douce Nuit. Mm-hmm. Then we're going to listen to Tino Rossi, two songs. The first one is Vieux Chariot. And the second one is Le Noël des Petits Santons. Mm. And that has nothing to do with the smell. Just so you know. All right, on y va. C'est parti. Éternel. bientôt, vieux chariot. Grâce à toi, je serai chez moi bientôt, vieux chariot. Tous les deux, nous aurons. Nous montre l'étoile du berger. Par le ciel, laissons-nous guider. Traversons le Jourdain, la Galilée. Grâce à toi, je serai chez moi, avec les feux du ciel pour nous réchauffer. Tous les deux, nous aurons ma foi. Bientôt, vieux chariot, grâce à toi, je serai chez moi bientôt, vieux chariot. Tous les deux, nous aurons la foi. Par-delà le Jourdain, la Galilée, au moment de rentrer chez moi, si l'on se sent trop seul ou trop fatigué, le chariot du ciel nous prendra. Bientôt, vieux chariot, tous les deux nous aurons moins froid. Bientôt, vieux chariot, le chariot du ciel nous prendra. En carton sommeillent les petits santons, le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Le ravi qui le vit est toujours ravi. Les moutons en carton sont serrés au fond. Un soir alors paraît l'étoile d'or et tous les petits santons quittent la boîte de carton. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leurs vœux, et leur chant est touchant. Noël joyeux, Noël, Noël joyeux de la Provence. Le berger, comme autrefois, montre le chemin aux trois rois, et ces rois ont poursuivant des chameaux chargés de présents. Leurs manteaux sont très beaux, dorés au pinceau, et ils ont le menton noirci au charbon. De grand matin, j'ai vu passer leur train. Ils traînaient leurs pauvres pieds sur les rochers de papier. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leur vœu, et leur chant est touchant. Noël joyeux, Noël, Noël joyeux de la Provence. Dans les tables de bois blanc, il est là le divin enfant, entre le bœuf au poil roux et le petit âne à l'œil doux. Et l'enfant, vagissant, murmure en dormant, les jaloux sont des fous, humains aimez-vous. Mais au matin, joyeux Noël prend fin. Alors les petits santons regagnent la boîte en carton. Naïvement, dévotement, ils dormiront dans du coton, en rêvant du doux chant Noël joyeux, Noël, Noël joyeux de la Provence. Dormez, chers petits santons, dans votre boîte en carton, Noël, Noël, Noël, Noël. Et voilà. Voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And you're listening to Freddy. Romain. Adrien. Et voilà. C'est ça. And we just listened to Star Academy. Mm-hmm. With Douce Nuit, and then Tino Rossi with Vieux Chariot, and then just now was Le Noël des Petits Santons. And by the way, Star Academy is not a band, that they are the contestants of a, yes, a TV show, you know, reality TV, like right. Pop yeah. stars, or except that they all live together or mm-hmm. stay together in a castle, and every week there's one who's eliminated. Yeah. Yeah, and hopefully they don't separate the couples that get formed, you know, during yeah, of the course. yeah. during the dead time, like off camera. Mm. And yeah, and Tino Rossi was like, it was a special C'est la belle nuit de Noël, mm-hmm. an album with all Christmas songs. But yeah, Star Academy is it was called before a Radio Crochet. Oui. Like the talent show or yeah. song stuff. So that was fun. And we're going to listen to three more songs about Christmas because that's what we're here for. We're going to listen to Hugo Frey with Dans une mangeoire. So une mangeoire is where... A manger. Yeah. Is that how it calls? Mm-hmm. Yeah. And then Les Canadiens Errants, which is a band who's local, actually. And the first song is D'où viens-tu, bergère? Where are you coming from, shepherd? And then Célébrons la naissance. Let's celebrate the birth. All right. On y va. C'est parti. En avant, Jésus. Des anges dans la neige ont conduit dans la nuit le modeste cortège de Joseph et Marie. Joseph, sans fortune, a quitté son pays. Pauvre émigrant sous la lune, il fuit avec Marie. Le couple en exil cherche un lieu pour la nuit. Aux abords de la ville, ils trouvent une bergerie. Dans cette simple étable, un bœuf, un âne gris, une bergère charitable pour assister Marie. D'un peu de paille sèche, Joseph fait un berceau. Un petit nid dans la crèche pour ce bébé nouveau. Marie, devenue mère du Messie annoncé, dans les joies, les prières, l'enfant Jésus est né. Trois savants noble et sage, par une étoile guidée, on fait ce long voyage pour voir le nouveau-né. Les enfants du village en très grande dévotion, dans cette nuit sans nuages, viennent en procession. Voilà. Voilà, voilà. So, what did we listen to, Freddy? So, we listened to the first song was from Hugo Frey with Dans ma mangeoire. Then, after that, it was Les Canadiens errants with D'où viens-tu, bergère? And then, after that, Célébrons la naissance. D'accord. Et ouais. Voilà. Donc, c'était les trois chansons. Un beau chant de Noël. Bien, yeah, trois chansons de Noël. I didn't go, like, when I went to Paris, I didn't go into a church, per se, but I was close to Saint Eustache, who's now is going to be, like, completely cleaned up. Mm-hmm. There's also a lot of buildings by the river that have been completely cleaned up. Oh yeah. Yeah, probably for the Olympics. Mm-hmm. And Saint-Eustache also is getting a lot more attention since mm-hmm. Notre Dame has been closed. Mm-hmm. Yeah. So because they are the one, I think it's the closest church that has like a big organ. So yeah, a church. Mm-hmm. Mm-hmm. It's not okay. Somebody. But yeah, I don't know where you're saying that. Because of the face you made. Anyway, yeah. Is the cathedral closed then? Yeah, still. Did you see it? You can see it from the outside, and it looks great. And at the time I was there, they were saying like he was going to be a day or two before they were putting back the new La Flèche. Yeah. Cool. So yeah, because I went to the Panthéon and it was on my way from okay. Les Halles to the Panthéon. It was about 1 hour walking, and Panthéon is not a church, but it could be. I don't know. I was able to see the tomb of Josephine Baker and Simone Veil. You were right across from Marie Curie. Marie Curie, but she was already there last time I went. Yeah. And there was a special slavery too. So, Césaire, Toussaint Louverture, maybe? Césaire, Toussaint Louverture, I don't know. Mm. No, I don't think so. There was a third one. There was Félix Eboué, for sure. There was a third one, but I don't think it was Toussaint Louverture. Toussaint Louverture fought against the French for the independence of Haiti. So I don't know that at the time of the Panthéon they really wanted to have him there. But Victor Hugo otherwise, and you know, Voltaire. And you know that there's one of the few women who are buried at the Panthéon. Mm-hmm. One of them would never have been buried at the Panthéon because of what she did. She's buried in the Panthéon because she's buried with her husband, who was it was Marcelin Berthelot, who's a chemist, and his wife is buried with him, even though, you know, she's not. I've seen a tomb like that, they say like they didn't want to be separated or something like that. And Marcelin Berthelot, what's funny is when I use my American GPS in France, there is a street in Bay Orleans that's Marcelin Berthelot, and my GPS keeps saying, turn right on Marcelin Berthelot. So that that's funny. Yeah. Berthelot was actually my grandma's maiden name on my dad's side. Mm-hmm. On my mom, it was Guillot. But that's funny. Mm. I mean, I guess there y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Yeah, well. Or maybe it's family. Who knows? Who knows? All right. Well, we're going to listen to more songs. We're going to listen to one song called Chorale de Noël. And the name of the song is Il est né le divin enfant. Then we're going to listen to Barbara with Joyeux Noël. And it shows like a switch a little bit in the type of songs. So less classic. Joyeux Noël is a little bit more contemporary because it's two lovers who meet on the bridge. Oh. And Le Conte de Noël Provençal? No. We're going to listen to another conte. We're going to listen to Pomme with Des Cartes de Noël. Ooh. I like Pomme. And she's touring the U.S., but she's not coming to Minneapolis. I don't like Pomme. I'm sorry. I noticed that Francis Cabrel is coming too, but he's doing like two or three dates on the East Coast, two or three dates on the West Coast. He's doing at least one. I think he's going to Miami, and usually they don't go to Miami. Yeah. It's more like New York. I think he's doing New York, Boston, Miami, and he's doing San Francisco and Los Angeles. Mm-hmm. Oui. I think that's all it. He's doing. Yeah. That's it. Not even Chicago. Yeah. No. Gims went to Vegas, New York, San Francisco, and maybe Vegas, Miami. But he is more like clingy. Yeah. Mm-hmm. More sparkly. Ah, oui? Than Cabrel. Different personality. So, bling bling. Pomme is talking about like, it's more not about a breakup, but about like someone she knew that she doesn't care anymore, but she's writing something to him. So we're going to listen to that. But first, we're going to listen to an announcement. Okay. Why underwrite with KFAI? Underwriting announcements provide 20 to 30 seconds for you to increase awareness of your business and reach KFAI's loyal and dedicated listenership. If you're interested in underwriting with KFAI, go to kfai.org/underwriting. Yeah.

jamais aimé, comment te détester? Et voilà. Oui, we are back and you're still That's listening right. to Bonjour Minnesota on KFAI. And tonight is a special Christmas. Indeed, because Christmas is Monday. Monday. And we just listened to three songs. The first one was Chorale de Noël with Il est né le divin enfant. Then after that it was Barbara with Joyeux Noël. It was a live version in Bordeaux. And then Pomme with Des Cartes de Noël from an EP called Saison. And we're going to keep on listening to Christmas songs. The next set we're going to listen to is, the first song is from Christophe, and it's called Noël. Then we're going to listen to Henri Dess, which has been catering to a lot to kids mainly, and it's called Mon Gentil Saint-Nicolas. My very nice Saint-Nicolas. And then we're going to listen to Les Zuts with Vive le 26 décembre. Ah, oui. Hooray for December 26th. Boxing Day. After the gifts. Well, they don't care about Boxing Day. They care more about the fact that they have their gift and they no longer have any pressure from the parents to say that if you're not nice, Santa is not going to come. Right. It's the parental version of Elf on the Shelf. They can see everything you're doing and you're doing wrong and stuff like that. So they're expressing their relief about saying that they don't care about next year anyway. Okay. All right. Et les contes de Noël provençaux? Ah, toujours non. pas. Non. Non, non, non. Aujourd'hui, moi je me souviens, oh, je me souviens d'un beau soir de Noël. J'étais tout seul. Me souviens.

Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis and St. Paul, and streaming at kfai.org around the world. The program you're listening to is Bonjour Minnesota, non-commercial, community-powered radio. And all our shows are archived, so if you miss us, you can always go on the website, look either in the archive, or you go to the listening program, and Bonjour Minnesota and the past 2 weeks are on kfai.org. If you want to go further, you can go to archive.org, and all the shows since 2012 are stored there. So it's Christmas. It is Christmas. Is that Freddy's gifts? Yes. So we're going to listen to three more songs about Christmas, but now we're getting into the parodies and the funny songs. So we're going to listen to Noël, j'ai mal au cœur, Christmas, I want to puke. from Anna That's Marco. A nice way to translate j'ai mal au cœur. Okay, I'm nauseated. Okay. No gifts. And then after that... I'm gonna puke. After that, it's Petit Papa Noël, but it's a parody. And it's from Alain Turban. Mm-hmm. And then we're going to listen to a song from Marie Reynaud, who's a YouTuber with a lot of funny songs. I discovered her during COVID mainly. Mm-hmm. And the name of the song is Les Boules de Noël. Ah. So Les Boules de Noël is the Christmas ornament, the mm-hmm. balls. Mm-hmm. And can also mean something else. Yeah. All right. And, I didn't talk about the event. The only lonely lawn event is on Thursday between 6 and 7:30. It's the Apéritif en Français at mm-hmm. the University Club. So it's located at 420 Summit Avenue in St. Paul. And it's a French conversation group. So if you want more information, you can go to afmsp.org or you can go on our Facebook page and the event is listed there. All right. On y va? Eh bien, c'est parti. Noël, j'ai mal au cœur. Couché à 7 heures, levé à 11 heures, j'ai chaud. Je suis de mauvaise humeur. Le Chanel de maman est étouffant. L'aquavelle va de papa l'est tout autant. Tout tourne dans l'auto, à l'église, pas trop chaud. Ça sent l'encens, c'est écœurant. Noël, j'ai mal au cœur. J'ai le style collé, je peux pas y toucher. J'ai chaud, j'ai des vapeurs. Ben oui, maman, je le sais que je suis blanc. Noël, j'ai mal au cœur. On s'en va fêter la Sainte Trinité. J'ai chaud, maman, il est quelle heure? On arrive chez Georgette et Johnny. Puis ça sent le sapin et le cendrier. La tourtière est en train de chauffer. Les petits pains fourrés me remontent au nez. Noël, j'ai mal au cœur. On veut nous gâter, on nous donne à manger. De la réglisse, des biscuits, des négresses, des outils, des mojos, des marshmallows. Tout ça, c'est trop sucré, je suis sursaturé. Noël, j'ai mal au cœur. Non merci, je veux plus de liqueur. J'ai chaud, je vais faire un malheur. Ça y est, c'est le temps de la soirée où la parenté se met à chanter. Vas-y, Lita! Les anges d'amour chantent. J'ai chaud, j'ai mal au cœur. Le party est enfin fini. Les adultes ont bien ri parce que j'ai vomi. On se couche, il est 5 heures. Noël est fini, oh quel bonheur. Mais je trame sur mon oreiller parce que ça en vient vite la nouvelle année. C'est comme ça que je passe dans le temps des fêtes. Tu sais que la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça que je passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que je passe dans le temps du jour de l'an. C'est la belle nuit de Noël, la neige est moins blanche qu'avant, et les mains tendues vers le ciel, à genoux les petits et grands, avant de rencontrer Pépère, faut lui écrire évidemment. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des masques par milliers, n'oublie pas de te protéger. Mais avant de venir, j'ai quelque chose à te dire. Dehors, il n'y a plus personne, tout est mort et dès que minuit sonne, il nous tarde tant que le jour se lève pour voir si tu vas nous donner des joues contre joues et lèvres contre lèvres, des câlins partout par milliers. Petit Papa Noël, rien ici n'est éternel. Chez nous, il n'y a plus de cheminée, ils sont loin nos petits souliers. Mais avant de venir, il nous faut te prévenir. Pour les crèches et pour les sapins blancs, on a les boules et finalement, il nous tarde tant que la nuit s'achève pour savoir si le firmament va nous redonner l'amour, pas la fièvre, pour que l'on respire comme avant. Petit Papa Noël, quand les poules auront des dents, les amants se rouleront des pelles, et la vie reprendra comme avant. Petit Papa Noël, laisse tomber ton traîneau. Ici, tu peux tirer les rênes, mais laisse-nous les bistrots, les restos. Je n'ai pas été toujours le plus sage, mais ce soir je fais le serment de ne plus voter pour tous ces rois mages qui nous ont pris pour des enfants. Petit Papa Noël, Dieu qu'il en faudra du temps pour trouver un jour dans l'arc-en-ciel la couleur de ton paradis blanc. C'est le réveillon de Noël, au moment d'ouvrir les paquets. Y'a de l'amour dans ce rituel et de bons messages à faire passer. Pour mon cousin adolescent aux odeurs un peu louches, on s'est tous cotisés pour du gel douche. Moi j'ai prévu pour mon beau-frère ce résidu de pièces rapportées, un bon voyage à l'étranger, mais je ne lui ai pris que l'aller. On n'a pas oublié ma grande-tante qui vient montrer à l'hôpital. Surprise, une place dans le caveau familial. Noël, Noël, c'est la magie de Noël. Noël, Noël, ça sent le sapin Noël. Mon mec veut m'offrir une pose de prothèse mammaire, mais pour un seul sein. Il m'offrira la deuxième à Pâques s'il en a les moyens. C'est vrai que je lui avais dit, si t'invites ta mère au réveillon, tu ne verras plus un seul de mes nichons. Ma grand-mère va encore m'offrir un jouet pour enfant. Elle n'a pas vu que je grandissais, elle n'a pas vu passer le temps. Après tout, c'est de bonne guerre, pour elle ce sera de la colle pour ses dents et un tube de lubrifiant. Noël, Noël, sans la bûche de Noël. Noël, 26 au matin. Tous ces cadeaux seront remis en vente sur le bon coin. Bien qu'il soit prévoyant de garder dans ses affaires de quoi offrir aux prochaines crémaillères. Et ma cousine échangera son abonnement minceur contre un bon bouquin sur la cuisine au beurre. Noël, Noël, plaisir d'offrir, joie de décevoir. Noël, Noël, ça me fout les boules de Noël. Ça me fout les boules de Noël. KFAI is proud to present Rachel Bayman and Lily May at the Cedar Cultural Center on Thursday, January 18th. The Cedar is honored to host this co-bill of upcoming Nashville-based dynamos for a night of indie folk, indie bluegrass, and indie Americana. Tickets for Rachel Bayman and Lily May can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà. Is proud to present Shrimp we just listened at the 7th to two Street songs, entry on Thursday, three December Christmas songs, but some funny Minneapolis ones. Native, Los Angeles-based producer Shrimp Nose has been climbing the ranks over the past years and is now touring behind his latest release, As It Seems. The new album is a big step up sonically with elements of post-dubstep, future bass, hyperpop, and folk rock blended with his low fidelity leanings. Opening the show are local artists Blood Smoke Body, Student One, Talia Knight, and Fib Back-to-Back Wonderland. Tickets for Shrimp Nose can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, voilà. Sorry about the interruption. I don't know if there was a break in the commercial or if there was two commercials lined up, but now it's over. So we just listened to three funny songs about Christmas. The first one was Alain Marcoux with Noël, j'ai mal au cœur. Then Alain Turban with Petit Papa Noël. And then Marie Renaud with Les Boules de Noël. Mm-hmm. And if you run into her like in on YouTube, she's pretty funny. Mm-hmm. And so I talk about the event and... And we just have to listen to music until we keep on listening until 10 o'clock. Yeah. And that's what we're here for. Christmas song still. So we're gonna listen to Jacques Dutronc with L'âne est au four et le bœuf est cuit. Ah, encore un âne. Yeah. The donkey is in the oven and the wolf is cooked. The wolf? Non, le beef. Le bœuf. Oh, le bœuf. Well, the cow. The cow is cooked. And it's kind of like a satiric song, too. I mean, in the song, he's talking about, like, he's like Joseph, and he's talking to Mary. Did you see our son? He's like in the U.S., and he's like a hippie, and he sings with his guitar and stuff like that. It's funny. It's, it's from 1971, so it was very... on par. Yeah, very not politically correct. Then we're going to listen to Niagara with Les Sapins, or the Pines. And then Les Berruriers Noirs, quite punk, with La Mère Noël. Mm-hmm. All right, on y va? Eh bien, c'est parti. Oui, donc. Radio Marie, Jésus est aux États-Unis. Cela n'a rien de rigolo. C'est même scandaleux, Marie. Il passe là-bas pour un hippie. Mais oui. Au lieu de croire à tout ce qu'on dit, Joseph, tu ferais mieux de passer à tard. Il n'y a plus rien dans notre étable. L'âne est au four et le bœuf est cuit. votre fils vit comme un clochard, Marie. A-t-on idée de jouer de la guitare, de hall de gare en hall de gare? Il fume, il se drogue et il boit. À Chicago, même il se bat. Mais oui. Au lieu de croire à tout ce qu'on dit, Joseph, tu ferais mieux de passer à table. Il n'y a plus rien dans notre étable. La lettre au four et le buffet cuit. Paraît même qu'on l'a vu, Marie, avec une fille au sein. Envahira. Elle ne craint rien ni personne. car il sait que dans l'ombre il se change en étoile. Encore un jour sans neige. Elle attend ça avant que l'aube ne se lève. Voilà, we are back on Bonjour Minnesota. You're listening on KFA Radio. With Adrien, Freddy et Romain. Yeah. Voilà, so we listened to three songs. The first one was Jacques Dutronc, L'âne est au four et le bœuf est cuit, 1971. And then we listened to Niagara avec Les Sapins. And the last one, a little bit more punk, was Berrurier Noir. Berrurier Noir. On voit que c'est un petit jeune. La Mère Noël, bah oui, 85, écoutez les gars, un petit peu de respect dans le Studio 4, s'il vous plaît. voilà, donc belle série encore for this Christmas special. Indeed. Et voilà, and it is 9:27 in Minneapolis and St. Paul Central Time. Yeah. Et à Paris, tout le monde dort. They're all sleeping. Voilà. Mais bientôt, il sera 5 heures et à 5 heures, Paris se lève. Exactly. Voilà. Donc, we'll continue on that good streak. Good streak. Thank you. Ah, you're welcome. Good streak. Yeah. Anytime. And we'll go by three. Right? Yeah. Mm-hmm. For the Holy Trinity tonight. Mm-hmm. So we have La Dent Noire with Et Joyeux Noël. Another punk band. And then, attention, attention, Les Fatal Picards, s'il vous plaît. C'est chaud. With Interlude 5, La Magie de Noël. Yeah, that's a funny one too. Mm-hmm. And they're good, Les Fatal Picards. Mm-hmm. And then, last but not least, Maryse Le Tarte. With O Traîneau dans le Ciel. Which, I don't think son nom is right. No, it should be La Tarte. Yeah, it should be La Tarte. But maybe she's not stupid. Voilà. Because someone who's tarte, une tarte, c'est... Oui. It's someone who's stupid. Oui, elle est tarte, elle est un peu... Elle est bébête, quoi. Ça peut être le tartre. Non, c'est la tarte. Non, ça c'est le sourd. Bon, allez, c'est parti. Oui. Hein. Pépé en a marre de crever, ça fait des années qu'il est alité. Il aimerait bien en voir la fin, on a plus de compassion pour les chiens. Hey, hey, hey. Joyeux Noël. Hey, hey, hey. Joyeux Noël. Pépé est plus fort que vivant, te regarde vite la bouche pendant nos cas, même si elle est gravataire. S'il vous plaît, faites-en une centenaire. Et joyeux Noël. Même éduqué par des curés, y'a rien de compliqué à comprendre qu'à défaut de vivre dans la dignité, certains aimeraient bien y crever. Hey, hey, hey. Joyeux Noël. Hey, hey, hey, hey. Joyeux Noël. Qui était tombé du camion. C'est ça, la magie de Noël. À Hawaï, Noël sur la plage en hiver, entouré de filles aux seins nus, couvertes de caviar, dans lesquelles nous plongions. C'est ça, ouais, la magie de Noël. Et même si notre Noël est différent, ce n'est pas grave finalement, puisque nous sommes ensemble. Et puisque nous sommes ensemble, la magie de Noël. Moi, j'avais le Noël communiste. Pas de cadeau, pas de liste. Pas de boule, pas de sapin. Pas de messe, pas de repas. On passait la nuit à écouter l'intégrale de Jean Ferrat. C'est ça, ouais. La magie de Noël. Ouh, la la la. Petite cabane, on mangeait des animaux morts que mon frère allait récupérer au bord péril de sa vie. Eh oui, c'est ça, la magie de Noël. Bye. voilà, we are back on Bonjour Minnesota. We listen to three songs, The Trinity of L'Adam Noir et Joyeux Noël, Les Fatal Picards, Interlude 5, La Magie de Noël, Maryse Le Tarte, Au Traîneau dans le Ciel. Yeah. That was nice. Ah oui, très bien. That was very, very nice. With a little nice. Bit of clapping and stuff. Yeah. Very Christmas. Who doesn't like clapping? I do like clapping. Mm. And actually, she has a pretty cool album jacket. It's her in a black dress looking like a Christmas tree and stars all over. Yeah, no, that's pretty cool. And the album is all about like winter and Christmas. Very cool. All right. Okay. What are we going to listen to? Eh ben, écoute, Isabelle Boulay, que j'adore. Oh, le Boulay. Oh, du Québec. Madame Dupont-Moretti. Il a de la chance. Sérieux? On n'a pas de chance. On attendait Noël, is the name of the song from Isabelle Boulay. And then Carla Bruni et Michel Legrand, Joli Sapin. Et Annie Cordy, c'est Noël. Yeah, and are you going to play the announcement? We will after the series. Okay. Voilà. Très bien, c'est parti alors. Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle, la vie était belle. On attendait Noël, on attendait. Plus de petites croix, la vie passe, nous ne sommes plus des enfants. Mais en installant l'étoile, c'est à nous que je pense, je retombe en enfance. En attendant Noël, en

c'est Noël. Fleur de Shanghai, petite sœur de Babel, ouvre tes yeux ce soir, la vie est belle, car ce soir, c'est Noël. Devant la cheminée, adultes, enfants, ados, tes souliers alignés attendent les cadeaux. Et même si la neige a baissé son rideau, des flocons de soleil te font cortège. 360 jours d'attente, c'est bien long, mais il y a tant d'amour dans ce coin de salon. Où trône le sapin, où naissent les chansons, que l'on se dit qu'il n'est jamais trop tard, car ce soir c'est Noël, c'est Noël. C'est la magie de l'enfance éternelle, dans l'harmonie, la paix universelle. C'est toute la terre enfin qui fait la fête. C'est Noël, c'est Noël. Fleur de Shanghai, petite sœur de Babel, ouvre tes yeux ce soir, la vie est belle, car ce soir c'est Noël. Oui, ce soir c'est Noël, c'est Noël. C'est la magie de l'enfance éternelle, dans l'harmonie, la paix universelle. C'est toute la terre enfin qui fait la fête. C'est Noël, c'est Noël. Fleur de Shanghai, petite sœur de Babel, ouvre tes yeux ce soir, la vie est belle, car ce soir pour toi, pour moi, c'est Noël. Des trucs à la con. Et voilà, we are back. We are back. We are going to listen to a quick announcement after we back announce the three songs with Isabelle Boulay, On attendait Noël, Carla Bruni et Michel Legrand with Joli Sapin, and the last one, Annie Cordy, C'est Noël. KFAI is proud to present Martin Dosh and the Larry Schaefer Memorial Orchestra for two shows at the Dakota on Sunday, January 7th. Local artist Martin Dosh presents the Larry Schaefer Memorial Orchestra, a large all-star ensemble of accomplished artists from across the improvised music spectrum that plays improvised music, sometimes with minimal structures, incorporating elements of free jazz, soul jazz, and Afrobeat. Tickets for Martin Dosh Presents the Larry Schaefer Memorial Orchestra can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Et voilà, we are back on KFAI. Bonjour, Minnesota. Indeed. We'll listen to a few more songs. It's 9:50 now, so we have some time before Balkan Jamboree. Yeah, 10 more minutes before we get kicked out. Yeah, we will miss Nicolai. No Nicolai tonight. So Elmar will take over the show. You will still have have a Jamboree. Meanwhile, we'll listen to a few more songs here on Bonjour Minnesota. We have Dinero avec Santa Baby in French. Santa Baby? Voilà. And then Johnny Hallyday, Johnny, Mon plus beau Noël. Et Julie Lefebvre with Douce nuit de Noël. Eh bien, c'est parti. On y va. Jolis souliers dorés, je l'ai tellement mérité, Sainte chérie, je t'attendrai sous la cheminée. Sainte sweetie, apporte-moi un petit Picasso si beau, je ne t'en demande pas trop, Sainte chérie, je t'attendrai sous la cheminée. Sous la cheminée. italiano. Oh oh, pour rien me tenir au chaud. Santa chérie, je t'attendrai sous la cheminée. Santa bébé, ajoute une chose encore. Trésor, des perles, une montre en or. Santa chérie, je t'attendrai sous la cheminée. Tu rêves de voyage en Italie. Tu aurais besoin d'une Ferrari. Mais ne te fais pas de soucis. Si tu préfères une Lamborghini. Sainte sweetie, pense au yacht sur la Riviera. Voilà, tu ne dois rien oublier. Santa chérie, je t'attendrai sous la cheminée. Ma petite chérie, je serai chez toi dès minuit, promis. Non, tu ne seras pas déçu. Ma petite chérie, je descendrai par la cheminée. Je t'attendrai sous la cheminée. On se retrouve sous la cheminée. Voilà, il est it's time to say good night. Good night. Bonne nuit. And happy holidays. Happy holidays. Sweet dream. Fête de beaux rêves. And bonjour Minnesota, we'll be live next Tuesday from 8 to 10. Indeed, and I'll be there. And we'll take donations. Still, talking about donations, we still, I'll send an email about the apple juice. Mm-hmm. Yes. All right. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Et nous aussi. Au revoir. Au revoir. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis, ces instincts qu'on découvre. Avec toi, je grandis, moi aussi. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie pour te laisser du beau, rien que de l'amour. Aussi, je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie. Et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter. Pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes je serai le plus heureux, le plus comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. mon amour, ma vie, mon étincelle, je suis le plus heureux, tu vois.